Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 36e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et avant de commencer cette émission, avec toute l'équipe de VR for Player, on voulait dire tout notre soutien à tout le monde, tous nos auditeurs. Que vous aimiez la VR, que vous aimiez pas la VR, que vous soyez pro Xbox, pro Nintendo, pro Sony, que vous aimiez le jeu vidéo ou pas du tout d'ailleurs, on s'en fout, faut serrer les coudes en ce moment, donc voilà, on pense bien à vous et prenez soin de vous. Voilà, donc maintenant, je vais accueillir tout simplement Laurent. Salut Laurent. Salut tout le monde. Ça va bien ? Oui, ça, oui, je ne tousse pas, je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas de symptômes, bien confiné. Eh bah ça c'est une putain de bonne nouvelle. Comme beaucoup. Tant mieux, tant mieux. Et ensuite, nous avons Majo. Bonsoir. Bonsoir Majo, ça va mieux ? Oui, beaucoup mieux. Bon, je tousse toujours, mais bon, ça c'est éternel, on va dire. Mais voilà, ça va, c'est ça. En forme. C'est confiné ça. Également. Ouais, comme tout le monde. Et ensuite, nous avons notre pro du hard, Johan. Salut Johan. Salut les copains, bonsoir tout le monde. Pro du hard, on dirait un acteur porno là. Je ne sais pas, je ne juge pas, tu sais, on a gagné sa vie. Hein. Non, c'est bon. Bon. Le CNRS me va très bien. Okay, tu n'as pas de X gravé sur le front, dis-moi. Pour le hard, bien entendu. Non, je n'ai pas. Non. J'ai trop peur des sentiers de la guerre. Perso. D'accord. Les tambours de guerre. Alors, dans cette émission, on va commencer par parler de trois jeux qui viennent de sortir en VR. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on en pense. Et ensuite, on viendra dans le gros du sujet de cette émission, c'est-à-dire les caractéristiques de la PS5. En tout cas, tenter d'expliquer un petit peu ce que nous, on a compris au niveau de ses caractéristiques. Donc, si vous voulez aller directement à cette partie de l'émission parce que la VR, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aller à 48 minutes pour la partie communication et 1h58 pour la partie technique. Voilà. Donc, on va commencer avec The Room, Majo. Tu vas nous en parler. Oui. Alors, The Room VR, donc Dark Matter, un puzzle game développé par Fireproof Game. C'est sorti aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui, c'est 29. Donc, le 26. Oui, c'est ça, le 26. 26 mars. Oui. Donc 29,99. C'est un jeu très sympathique, c'est très très bien réalisé. Il y a 5 niveaux au total, et puis c'est plein de petits puzzles, de petits mécanismes et tout. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Graphiquement, le jeu il est super propre aussi. Bon, ça je l'ai dit de toute façon dans le test, puisqu'il est paru le 26 aujourd'hui. Donc. Mmh. Et franchement, c'est une très très bonne expérience. Enfin, un très bon jeu, pardon, parce que c'est pas une expérience. Moi, comme je dis, je suis pas fan des puzzle games à la base, que ce soit en flat ou sur ce smartphone, pardon. Donc, je trouve que la VR ça se prête vraiment bien à ce genre de jeu et t'es très très immergé et toujours hyper concentré sur ce que tu fais et ce que tu regardes. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est essentiellement basé sur l'observation. Et puis, c'est très bien fait. Une difficulté qui monte crescendo, des niveaux qui sont de plus en plus longs avec de plus en plus d'énigmes. Et je le comparais beaucoup à un escape game. Voilà, ça me fait penser à ça. Ah, ça fait complètement penser à ça. J'ai lu ton test et j'ai regardé ta vidéo cet après-midi. Déjà, l'univers, c'est très anthropologique, un petit peu. Oui, c'est vrai, c'est basé sur l'Égypte ancienne. Du coup, bah ouais, l'histoire, c'est un archéologue, en gros, qui a disparu. Et il fait suite donc, à plusieurs disparitions qui existent en ce moment, qui arrivent en ce moment. Et du coup, bah, toi, t'es un enquêteur de police et tu vas devoir, par le biais de différents endroits que tu vas visiter, refaire... ce qu'a fait le professeur Rupert Montgomery, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, pour pouvoir arriver jusqu'au dénouement final où tu vas enfin savoir ce qui lui est arrivé. Au niveau des graphismes aussi, tu as une possibilité d'avoir une espèce de vision un petit peu particulière pour te faire voir. Ouais, alors c'est ce qu'ils appellent une lentille en fait. Mmh. Donc c'est une phase de gameplay. Au début de chaque niveau, en gros, tu vas devoir. Pareil, par le biais d'un puzzle, ouvrir une boîte ou te faire apparaître une boîte pour pouvoir récupérer la lentille du niveau, parce que tu en as une par niveau. Et en fait, cette lentille va te permettre de voir des choses que tu verrais pas à l'œil nu. Notamment des mécanismes à l'intérieur de boîtes, si tu veux, sous des surfaces un peu brillantes, transparentes, que tu vas devoir activer donc, pour pouvoir débloquer d'autres trucs. Ou alors, des passages, en fait, ce que moi j'appelle des pièces dans les pièces, donc ce que Cyril lui compare à des poupées russes, où en fait tu vas rapetissir pour rentrer dans un mécanisme, on peut dire ça comme ça, genre à travers une serrure de porte ou ce genre de détails, pour résoudre encore un puzzle de manière à débloquer la porte. Enfin, c'est très très bien amené. Du coup, tu vas être tout petit, en fait, l'environnement que tu avais juste avant autour de toi va devenir beaucoup plus grand. Et je trouve que c'est plutôt pas mal fait. D'accord. Donc, pareil, ça met un nouveau genre de gameplay, enfin un autre gameplay, si tu veux, dans la boucle. Donc, c'est pour ça que j'ai pas décroché. Franchement, ce jeu, je l'ai fini en 2 ou 3 jours, je crois. J'ai pas du tout décroché. J'avais vraiment envie de continuer, quoi. D'accord. Ouais, cette mécanique-là, ça fait un petit peu penser à Fisherman's Tale. Oui, tout à fait. C'est vrai. Alors, Fisherman's Tale, c'était encore plus poussé parce que t'avais vraiment. Ça pouvait aller sur 3-4 niveaux différents. Là, t'en as qu'un quand même. D'accord. C'est pas aussi poussé. Mais c'est vrai que c'est un peu. Effectivement, maintenant que tu m'en parles, c'est un peu le même principe. Ouais. Et au niveau de la vision, là, qui te fait voir des choses. Enfin, qui te fait découvrir d'autres indices. Ouais, ça me fait penser à. Ouais, la lentille. Ça me fait penser à Dead Silence. Je sais pas. Il me semble qu'il s'appelle comme ça, ce jeu-là. C'est un jeu qui est pas facile à trouver sur PSVR parce qu'il est pas classé, catégorisé en tout cas, sur le PSVR. C'est un jeu d'enquête aussi où tu as le même système de lentilles justement qui te fait voir des apparitions qui n'existent pas, qui te donne des indices, qui te permet de c'est le truc avec la clé à molette là. Le truc avec la clé à molette. C'est dans un désert Nouveau-Mexique avec une maison en bois là, c'est pas celui-là. Nouveau-Mexique, je sais pas. Disons que c'est entouré de champs de. Il y a un corbeau non c'est pas. Oui c'est ça. Ouais, c'est de... ça. C'est ça. Ça. Et t'as un gars qui te poursuit avec un masque de théâtre no, t'sais, de théâtre japonais. Oui, il est pas récent celui-là, il est sorti en 2017. Ah même, oui, il est pas récent du tout, mais il est surtout complètement inconnu malheureusement, alors que franchement c'est un bon petit jeu d'enquête avec des 2-3 passages bien flippants. Donc ouais, ça m'a fait penser à ça en fait justement, ce The Room. Donc c'est une bonne idée. Je ne l'ai pas fait, donc je te fais confiance. Tu as bien raison de me faire confiance. Ensuite... donc voilà, The Room, du coup, tu le conseillerais globalement. Ouais, franchement, ouais. Ouais, je lui ai mis 7 sur 10. Le prix 30€. Ah, si, juste, le petit bémol pour moi, c'est un peu la durée de vie quand même. Le rapport qualité-prix, c'est pas. Le son aussi, tu. Ouais, y a pas de musique. Ouais, bon, après, c'est comme je dis, enfin, je passe dessus parce qu'il faut le dire, mais bon, moi, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Comme je dis, vaut mieux pas de son pour être bien concentré, parce que ce jeu c'est vraiment basé sur l'observation, et ça qui est bien, il est suffisamment bien fait si tu veux pour que tu arrives à te souvenir de ce que tu auras vu auparavant. De toute façon, si ça fonctionne comme ça, qu'il y ait de la musique ou pas. Voilà, bah, t'as quelques passages pour mettre un peu dans l'ambiance quand tu débloques un truc ou quand tu ouvres une pièce ou ce genre de truc. Mais t'as vraiment pas de musique permanente au fond, ouais, c'est le silence, les engrenages, tout ça, mais c'est. Je pense que c'est un peu voulu aussi, c'est pour rester dans l'ambiance de la solitude, de l'enquête et puis de la concentration, parce que mine de rien, il en faut un peu. Et plus mettre en avant peut-être l'environnement sonore justement, les cliquetis, les petits trucs que tu pourras entendre à droite, à gauche, le bois qui craque, enfin des trucs comme ça. Oui, mais c'est vrai que ça donne un peu une impression haptique aussi, ces sons-là. Tu sais, quand tu tournes les manivelles, tu as la vibration plus le bruit qui vraiment claque bien, donc... l'ambiance est très très bonne. Enfin, moi je te dis, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Hormis le scénar, il y en a un, au moins il y a le mérite d'en avoir un. C'est pas non plus l'Oscar du meilleur scénario, mais bon, il y en a un, ça justifie un peu de te faire avancer dans l'histoire et puis l'environnement. Mais bon, la durée de vie, ouais, voilà, 5-6 heures si vous allez assez vite. J'ai bloqué sur 2-3 énigmes. Voilà, pas plus. Okay. D'accord. Vu le nombre qu'il y a. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie. Ensuite, donc vous pouvez retrouver bien entendu le test comme d'habitude sur verplayer.fr. On va passer maintenant à un autre jeu vraiment dans l'observation. C'est Paper Beast qu'on a pu tester avec l'ami Lolo. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Alors déjà au niveau du test, on était 2 testeurs dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait chacun le jeu sans en parler, pour après savoir si on était d'accord ou pas. En même temps, c'était pas compliqué vu qu'on peut pas se blairer et qu'on se parle jamais. C'est facile. Voilà. Donc de toute façon, voilà, c'était déjà assez difficile. On savait qu'il allait y avoir le podcast où il va falloir qu'on se parle. Donc. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Mais Paper Beast, alors quand on s'était déplacé pour faire l'interview avec Eric Chahi, donc toi, Sei, tu avais plus essayé le mode campagne. Moi, j'avais plus essayé la sandbox, donc ce mode bac à sable où on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc, je ne connaissais pas du tout le jeu. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le jeu est très, très, très joli. Oui. Un petit peu d'aliasing, mais ça, de toute façon, on en retrouve sur tous les jeux. Donc, bon, c'est pas frappant. Par contre, niveau graphisme, c'est vraiment très joli. On a l'impression que c'est simplé, mais au final, c'est pas du tout simplé. C'est vraiment travaillé, les textures sont travaillées. Les animaux de papier, quand on s'approche des papiers, ben, y a vraiment le grain du papier. Il y a vraiment ultra détaillé. Des petits cristaux de papier qui vont briller en fonction de l'inclinaison du papier et de la lumière. On s'aperçoit que c'est vraiment bien, bien foutu. Et c'est le jeu avec une physique incroyable qu'on n'a jamais vu sur PSVR d'ailleurs. C'est vraiment l'eau, on dirait de l'eau. J'ai été fasciné par un truc tout con, mais c'est les pas des Paper Beasts dans le sable. C'est ça. Voilà. Disons que moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce jeu-là, c'est que quand on est perdu en VR au milieu de ce monde-là, on a l'impression que le monde qui t'entoure est vivant. Mais vraiment vivant, parce que les moindres petits détails, que comme tu disais, les petites traces de pas, une bébête qui passe à côté, elle va faire bouger le sable. Le vent va faire aussi bouger le sable sur le sol. Donc tu as vraiment une sensation de... L'eau, c'est une flotte, mais franchement... La mécanique de Freediver est incroyable. La dernière fois, j'avais poussé un coup de gueule sur Freediver, le jeu de plongée sous-marine, où je disais, c'est quoi cette flotte? C'est de la flotte de Quest. Et c'était vrai, c'était de la flotte de Quest, parce que la version Quest, la version PS4 et la version PS4 Pro, on a une eau qui n'est pas transparente, c'est un bloc bleu en fait. Juste avec un effet d'ondulation de ce bloc, là c'est de l'eau, là c'est vraiment de l'eau quand on voit la flotte, et puis quand une bestiole passe, il y a les ondulations de l'eau, il y a tout, c'est vraiment bien, bien, bien foutu. Et après j'ai trouvé, ça reste un jeu d'auteur, donc c'est quelque chose qui plaira, je comprendrais bien, ça plaira pas à tout le monde, moi j'ai adoré perso, mais je comprends que c'est quand même un peu barré comme truc, donc... Ce qui ne veut pas dire que ce soit inintéressant, parce que ça reste un puzzle game, avec un début, une fin, et puis une histoire qui... ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il y a des passages, moi, qui me rappellent Interstellar, quand il se retrouve surtout sur la fin, quand il se retrouve dans le trou noir. Ça fait réfléchir aussi sur notre société. Parce qu'il y a des grosses images, parce qu'on est enfermé dans un monde de data, donc c'est comme si on a été propulsé à l'intérieur d'un monde artificiel en IA qui avait été créé, et cette IA est alimentée par notre monde réel. Donc par exemple, il y a un moment, il y a une grosse fenêtre qui s'ouvre dans le ciel et il y a plein de lettres qui tombent. Comme si il y avait des données sales qui arrivaient sur le monde et qui l'avaient complètement... transformé en un bloc de pétrole sec, quoi. On peut s'inventer chacun sa propre histoire en fait, et c'est une réussite. Seul bémol, c'est les déplacements de téléportation. Alors au début du jeu, j'étais pas franchement, parce qu'on est plus c'est plus un jeu d'observation, disons que sur la fin, où je trouve que le rythme s'accélère un peu plus et où on a plus de grandes distances à parcourir, là la téléportation, au bout d'un moment, tu te dis tu spams le bouton en fait. T'as l'impression de mâcher le bouton. Voilà. C'est ça. Donc du coup, j'en ai parlé à Pixel Reef, qui m'ont clairement précisé que en fait ils se sont longuement posé la question. Et au final, et ben, c'était soit ils diminuaient la qualité du jeu au niveau visuel et ils intégraient les déplacements libres, soit ils penchaient plutôt pour une optimisation de la qualité visuelle, ce qui est le cas parce que le jeu est vraiment très beau, et dans ce cas-là, ils étaient obligés de partir sur de la téléportation. Alors ça, personnellement, c'est la première fois que je l'entends. On l'avait déjà entendu, mais on avait des soupçons là-dessus. Mais là, c'est clair et net, quoi. Ouais, c'est quand même... ça en dit long sur les besoins en ressources, quand même. Je vais vous lire exactement la réponse. Donc, c'est Seb Cardo de Pixel Reef. On s'est beaucoup interrogé sur le sujet. On l'a même implémenté pendant un moment. Mais le jeu était pensé pour la téléportation au départ et proposait une version dégradée et pour proposer une version dégradée en mouvement continu à cause des délais ne nous semblait pas la bonne approche, mais c'est noté, merci. Voilà. Oui, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est la PS4 FAT qui plombe. C'est de, qui plombe c'est de l'optimisation, quoi. Parce que Eric Chahi nous avait dit justement au même off que c'était, c'était une sacrée expérience de devoir mettre c'est ce ça, jeu-là ça en, ouais. en jouable sur une PS4 qui a quoi bah, c'est ce que j'allais dire, c'est pas forcément la PS4 standard parce qu'à ce moment-là, il fait une version PS4 Pro avec le déplacement fluide. Je sais pas. Donc c'est que, ouais, ça veut dire que même, mais... sur la PS4 Pro, tu subis le downgrade. Alors ça, c'est peut-être jouable. Par contre, ce qui m'avait marqué, c'était justement Eric Chahi nous avait dit que l'eau sur la PS4 ne serait pas transparente. Donc ils ont dû modifier des choses parce que nous, du coup, on avait dit on va faire une version PS4, une version PS4 Pro sur le test. Et puis je demande à Sey, envoie-moi une version de ton truc. En fait, on a la même eau en fait. Ah ouais, c'est ça. Bah ouais, non. Bah, donc ouais, c'est vraiment à la dernière minute, ils ont dû réussir à. Je pense qu'on a des versions relativement proches sur PS4 Pro et PS4. Donc ouais. Tu veux dire qu'il est pas optimisé PS4 Pro? Il doit l'être certainement. Si, ou alors si. Ils ont réussi à la dernière minute. Si, il nous avait dit qu'il si, était si. Bien optimisé alors, PS4 Pro. Ouais. Juste ce qu'il nous avait dit, Eric, c'est que donc le jeu est optimisé PS4 Pro. De toute façon, ça se voit. Moi, j'ai pu du coup tester les deux versions. La version PS4 Pro directement dans le studio, où c'est plutôt net. Voilà, il y a rien à dire. Et j'ai pu voir justement les petites différences avec ma PS4 normale chez moi. Agréablement surpris de ne pas en voir tant que ça, justement, comme le disait Laurent, c'est-à-dire que le rendu de l'eau, il est vraiment bluffant, pareil. Peut-être que c'est moins net, par contre, c'est un petit peu plus flou sur PS4 normal, mais rien de vraiment alarmant. En tout cas, j'en ai quand même pris plein les mirettes du début à la fin. Moi, je vais donner mon ressenti aussi sur ce jeu-là, et ça va vraiment être que du ressenti, parce que c'est que de l'émotion, en fait, ce jeu. On peut pas, c'est un peu compliqué, justement, de le tester de point par point. C'est une odyssée, comme disait Eric Chahi, c'est un voyage personnel en fait, dans un monde complètement onirique, mais ce qui est frappant, c'est la cohérence justement de cet univers, c'est-à-dire de la physique, comme disait Laurent tout à l'heure, du sable, de l'eau, du vent, les attitudes des animaux qu'on croise. Quand tu joues en fait, tu te dis que tu serais là ou tu serais pas là, ça serait exactement la même chose en fait. Eux, ils continueraient de vivre leur vie. D'évoluer, et d'ailleurs c'est ce qu'on peut constater dans l'aventure solo et surtout dans le mode sandbox, parce que le sandbox en fait tu peux juste poser quelques animaux, quelques plantes et t'attends de voir comment ça réagit, et tu vas voir que les minutes qui passent, ils font leur train-train, il y aura de l'érosion qui va se faire, il y aura le terrain qui va changer, qui va se transformer devant toi, les animaux vont se reproduire, ils vont se bouffer ensemble, enfin entre eux. Ils vont continuer leur petite vie sans même que t'aies à interagir avec eux. Donc c'est vraiment incroyable. Enfin, franchement, c'est du jamais vu au niveau de je sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence artificielle, peut-être, des animaux. De la même façon, si. Hein. C'est tout du procédural, mais c'est pas du procédural sur du décor. Cette fois, c'est du procédural sur de la... comment on pourrait dire, de la... Des caractéristiques d'animaux, en fait. Mmh. C'est ça. T'as la panthère qui va réagir d'une certaine façon, mais si tu lui poses. Si t'es sur un côté ou un autre, elle réagira pas de la même manière. Quoi. Mmh. C'est vraiment. C'est ça. Et donc, on est d'accord, t'as pas d'interface ou de menu dedans quand t'es dans le jeu. Codex qui te permet de nommer les créatures ou tout ça, ou te faire rappeler ce que tu as essayé comme expérience. En fait, ton cerveau et ta mémoire, rien d'autre. Quand tu joues à l'aventure solo, en fait, tu dois trouver des... j'explique comment est-ce qu'il appelle ça, les espèces de sphères infinies, là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est marqué, en plus, dans le jeu. J'ai pas retenu. Des espèces de cristaux pour te téléporter, là, non c'est pas Non, ça non, pas les cristaux pour te téléporter, non. T'as plein de petites boules, en fait, dans chaque niveau à récupérer, qui va te débloquer un animal, une plante, ou un objet pour le mode sandbox. C'est ça qui va te débloquer en fait au fur et à mesure de l'aventure toutes les options dans le mode sandbox. Et après, t'ouvres tes menus soit avec le move droit ou le move gauche. Et donc ensuite, ben, c'est à toi de faire ta sauce, de faire tes petites expériences, etc. dans le mode. Ouais, mais ça, tu parles du mode sandbox, mais moi, je te parle dans le mode. Et dans le mode solo. Dans le mode solo, t'as juste, t'as juste en fait l'interface. En fait, tu prends ton move, tu le mets juste devant toi, et t'as des petites, consignes en fait de commandes, tu vois. Avancer, enfin, je veux dire, se téléporter, prendre un objet, faire un zoom avant, un zoom arrière. Enfin, le rapprocher, le reculer. Moi, ce que je voulais dire, c'était est-ce que tu avais quelque chose qui fait un office de prise de notes, si tu veux, pour les interactions qui sont possibles de faire entre animaux Découvres la faune et la flore, tu vois. Non, c'est aucune. C'est toi qui. Mais justement, les as découvertes, je veux dire. Non, ça, c'est un parti pris, justement, de gameplay. C'est-à-dire que tu dois beaucoup observer, tu dois savoir et tu dois. Le joueur doit pouvoir identifier un animal quand il le voit. Si, une fois qu'il a identifié cet animal-là, s'il l'a déjà rencontré avant, il doit se souvenir justement du comportement qu'il a. S'il voit une bestiole qui est multicolore, par exemple, il sait que c'est un prédateur. Et donc du coup, il sait que quand il voit des espèces de biches en papier, il sait que si une biche en papier arrive vers le prédateur, elle ne va pas durer longtemps. D'accord, et tout ça, en fait. Et même justement, t'as un joueur qui fait pas trop attention et qui continue d'avancer dans l'aventure, ça lui permettra justement d'être surpris par certaines réactions. Et de toute façon, les animaux, au fur et à mesure de l'aventure, t'en découvres toujours jusqu'à la fin. Chaque modélisation d'animal en fait est suffisamment bien faite pour que tu les reconnaisses depuis le début et que complètement identifiable. Complètement identifiable. C'est important quand même. Deux animaux. Ah oui. Et un autre truc important aussi, c'est que tu peux jouer au move et tu peux aussi jouer à la manette. Avec, en utilisant le gyroscope de la manette et tout. Bon, j'ai essayé un petit peu, mais c'est vrai que les moves c'est tellement mieux. Mais on sait après que les moves c'est pas facile à trouver. Sûr. En tout cas, c'était pas facile à trouver. Je pense que maintenant non plus. Donc voilà, c'est. Ouais, apparemment, ça c'est. Enfin là, en ce moment, je sais pas trop. Ouais. Donc voilà, moi franchement, Paper Beast, je sais qu'il y en a beaucoup qui ça va faire râler de pas avoir de déplacement libre. Franchement, ça m'a pas du tout gêné du début à la fin de l'aventure. Et c'est vrai, ça sera vraiment dommage de passer à côté juste à cause d'un détail comme ça. Donc voilà, j'ai déjà vu des commentaires sur YouTube qui disaient ouais, mais s'il n'y a pas de TP, c'est sans moi. Oui, c'est compréhensible, hein, mais c'est dommage. Sur YouTube, quoi. Sur Facebook, sur Twitter, on en a eu. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre, hein, franchement. Il y a juste la musique du début qui m'a un petit peu. C'est de la J-pop. Même j'étais un peu gêné c'est un peu hors contexte du coup, mais c'est surprenant quoi. C'est à l'image du jeu au final. Ouais, c'est ça, c'est surprenant. Ouais, franchement, ce truc-là, je l'ai essayé à côté d'Eric Chahi dans la salle de test. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Mais tu sais, j'osais pas trop lui dire pour pas vexer. T'sais. Mais je dis, c'est trop long déjà, c'est trop long, c'est trop bizarre. Et au bout d'un moment, ça cut complètement. Enfin, ça bug, ça cut. Et là, t'arrives dans l'aventure principale. Et tu te rends compte que voilà, c'est un monde qui va être plein de surprises, plein de découvertes, plein de trucs, plein de. C'est suite au bug d'une application de rythme en fait. Donc dans l'application de rythme, t'as cette musique japonaise. Et après, c'est là où ça déconne complet. Il y a un gros bug et là, tu es propulsé dans ce monde artificiel numérique qui vient d'être conçu et qui est autonome. Et on te lâche un peu à la manière d'un Robinson Crusoe et démerde-toi. Et c'est qu'après avoir un petit peu avancé que là, quand tu recommences le jeu ou quand tu vas dans le menu, où là, tu as quelques options de choisir ta langue, tu peux basculer dans la sandbox, mais au début du jeu, on te lance direct dans le jeu. Tu passes pas par le menu au début. Non, mais ça me fait bien envie, les gars, vous m'avez donné envie. Et il y a un autre truc qui fait, pour moi personnellement, qui fait de Paper Beast un jeu vraiment d'exception, c'est qu'il y a des niveaux où j'y retourne juste pour le plaisir d'être dans le niveau, de pouvoir jouer justement avec l'eau, jouer avec les éléments, jouer avec le sable, jouer avec les bestioles qui t'entourent. Et ouais, j'ai pas envie de spoiler, donc je vais pas dire quel niveau c'est, mais c'est un niveau avec une chute d'eau. Et ce passage-là, je le trouve juste génial, quoi. T'as l'impression d'être à la plage, voilà, t'es à la plage, et tu peux tout essayer, c'est-à-dire t'as plusieurs façons en plus de faire les puzzles. Donc du coup, tu t'expérimentes à chaque fois, t'expérimentes et tu peux prendre des dizaines et des dizaines de minutes à essayer plein de trucs qui marchent ou qui marchent pas. Mais en tout cas, voilà, tu t'amuses et t'essayes de contrer un petit peu les éléments. Et bon, en général, c'est les éléments qui te mettent la pâtée. Mais j'ai trouvé, pour moi, il y a deux jeux où vraiment j'ai ce ressenti-là. C'est Astrobot et Paper Beast. Astrobot, c'est pareil, c'est les niveaux sous-marins, j'y retourne juste pour le plaisir d'y retourner, en fait. C'est vraiment chouette. Même pas pour débloquer d'autres trucs, hein. Je les connais par cœur, les niveaux. Mais c'est... Ça me fait penser un peu à... Du coup, avec le mode sandbox, là, tu pourrais presque te faire une scène comme tu as dans les jeux, c'est un peu posé, calme, où t'es là pour observer des petites scènes au bord de la plage, tu sais, allongé sur un transat, sous les cocotiers et tout. C'est un peu ça. Ce genre de scénette que tu peux te faire avec le mode sandbox, quoi, du coup. Dans son test, ça, il disait si vous aimez bien jouer avec les fourmilières quand vous étiez petit, ben c'est ça, en fait. Ouais. Sans les cramer, hein, faut pas déconner. Hein. Ouais, sans les cramer, mais tu peux les cramer parce que Le mode sandbox, tu arrives au début, bon, bah, tu vas commencer à essayer de créer un petit relief, donc tiens, je vais faire un volcan, je vais creuser, j'ai fait un trop gros trou, je vais le reboucher, donc tu terraformes ton tableau. Après, tu commences à balancer tes bestioles, à mettre de la flore, et tu te dis, bah, tiens, les prédateurs, je vais les mettre là, mais les prédateurs, ils bougent parce qu'ils ont faim, s'ils mangent pas, ils meurent. Après tu vas mettre tes petits animaux végétariens de là-bas, mais eux c'est pareil, et en plus ils ont besoin d'un arbre particulier pour se reproduire, et puis pareil pour les prédateurs, ils ont besoin d'un arbre particulier pour se reproduire, donc si tu inverses les deux arbres, du coup les prédateurs vont être forcés à aller, et puis les autres vont vouloir se barrer. Alors là c'est la baston, ils se font tous bouffer, mais il y a des prédateurs de plus haut niveau qui t'as un prédateur ultime qui tue tout le monde, en fait. Donc après tu joues avec tout ça et tu vas c'est vraiment un bac à sable, hein. Tu qu'est-ce que ça fait si je fais ça, tiens je vais attacher deux animaux entre eux pour voir ce que ça donne, voilà, et puis tu t'amuses, et puis en même temps tu as tout ce qui est les orages, les intempéries, les tempêtes, la glace, le feu, les sécheresses, et du coup ça va éroder ton sol, ça va le transformer, donc en fait c'est comme si t'étais Dieu. Ouais, y a beaucoup d'interactions, quoi. C'est comme si tu étais Dieu, que tu allais créer un petit monde miniature, et puis tu vois comment il évolue sur les heures. Et au début, c'est tout lisse, c'est tout propre, et puis à la fin, tu t'aperçois qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées, plein d'animaux qui sont morts, noyés, ou je ne sais quoi, et c'est assez. Ouais, tu balances une tempête. C'est saisissant, quoi. Tu balances une tempête de sable, ça craquelle le sol, Après, tu mets beaucoup de flotte, t'as l'érosion qui transforme. Enfin, qui te fait plein de petits ruissellements de partout. Après, ouais. Tu rajoutes de la glace. Non, franchement, c'est vraiment bluffant. Le seul problème de ce jeu-là, ce que je regrette, et c'est l'apanage malheureusement des très bons jeux, c'est qu'il est trop court. Il se termine en 4 heures environ. Ouais. Et du coup, tu veux pas que ça s'arrête, quoi. Il y a tellement de trucs à découvrir. T'as le mode sandbox, mais le sandbox, voilà, c'est... T'as pas ces fulgurances, en fait, de mise en scène que t'as dans la partie solo. T'en as beaucoup justement dans la partie solo, et t'en as dans le sandbox, finalement, ça reste du bac à sable, donc voilà, t'as pas du tout de mise en scène. C'est un bac à sable. Franchement, j'aurais pas dit non à une ou deux heures de plus facile, quoi. Vraiment facile. Hein. Donc, DLC, ouais. Peut-être. J'y crois pas. J'y crois pas. Donc voilà, c'est tout pour Paper Beast. Alors, juste à préciser, on lui a mis 8 sur 10, mais sur VR Game Critique, il a eu 38 tests dans le monde, on peut dire dans le monde. Ah ouais, quand même. Et donc, sur 38 tests, il a une moyenne de 8 sur 10. Ouais. T'es content, hein, on a trouvé la bonne note. Oui, juste prix. J'aime bien quand on tombe sur le bon prix. C'est bien l'autosatisfaction. Ça fait pas de mal et ça coûte pas cher. Ouais, c'est ça. Voilà, et ben, maintenant on va parler d'un jeu PC, une fois n'est pas coutume. C'est le petit événement, enfin on va pas dire petit événement, hein, c'est le putain d'événement sur PCVR, c'est Half-Life Alyx. Alors je sais pas ce qu'il y en a. Je vois pas ce que c'est ça, c'est quoi ça comme jeu. D'où ma question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Half-Life ? Cette petite licence. Oui. Non, pas du tout. Non, sérieusement, vous avez jamais joué à Half-Life ? Non, mais je rigole, bien sûr. Moi, je connais, mais non, j'ai jamais fait ni le 1 ni le 2. Half-Life, c'est celui qui mange les chats. Oui. Oh, tu es une madeleine. Et ça marche pas. Half-Life Alyx, oui, il est sorti le 23 mars, si je dis pas de bêtises. Le 23 mars. C'est un jeu de Valve. C'est un jeu qui est sorti exclusivement sur Steam pour le moment, toujours, qui est compatible avec tous les casques qui peuvent se brancher sur un PC. Notamment, moi, je joue avec un WMR, avec mes vieux contrôleurs WMR tout pourrave. Et ça tue. J'ai jamais vu un jeu aussi beau que ça, aussi bien mis en scène, avec autant de moyens, avec de telles animations, avec le côté cinématographique aussi qui est vraiment immersif et prenant. Je sais pas quoi dire. On a une estimation de la durée du jeu. Alors, il me semble que c'est. Je crois que c'est 10 heures, non ? Un peu plus, il me semble. J'avais cru. Je pense que c'est 15. Bien 15 heures. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai lu 10. Ouais, 15 heures, ouais. Ouais. Après, si tu le rushes, mais c'est un peu dommage. Oui, ce genre de jeu, c'est dommage de le. Au contraire. Donc, que dire, sinon que c'est. Donc, ça, l'univers. Enfin, l'histoire. Se plante entre Half-Life 1 et Half-Life 2, c'est-à-dire que Gordon Freeman n'est pas encore retourné sur Cité 17, ça c'est le début de Half-Life 2, mais on rencontre, enfin on incarne plutôt une fille qu'on avait rencontrée dans Half-Life 2, c'est Alix, qui fait partie de la Résistance, avec son père, et au début du jeu, son père se fait enlever par le cartel. C'est un régime totalitaire en fait, hein, c'est le bordel, hein, t'as des quartiers en quarantaine, c'est ultra autoritaire et donc le premier objectif en tout cas c'est d'aller chercher son père, essayer de le sauver et d'aller vers la citadelle pour pouvoir le tirer de là et ça reprend tous les bons éléments de Half-Life 2, donc déjà l'univers graphique même s'il est vachement amélioré au niveau des détails, ça reprend la charte un petit peu de Half-Life 2 puisqu'on se retrouve dans le même bled et dans le même contexte. Le moteur physique aussi est béton, comme dans Half-Life 2, sauf que c'est plus AVOC, comme ils utilisaient à l'époque. C'est Source 2 directement qui prend en charge aussi la physique. Et ça se ressent en fait, parce que même si tu ne tiens pas un objet, en fait, il a quand même une physique. C'est-à-dire que tu peux juste passer ta main comme ça sans appuyer sur aucun bouton. Et tu peux déplacer, on le voit d'ailleurs bien dans les vidéos, et tu peux déplacer en fait les éléments s'ils sont pas trop lourds. T'as des gunfights aussi qui sont bien nerveux et bien sympas. Tu as à chaque main des Gravity Glove qui remplace le Gravity Gun de Half-Life 2 et qui te permet de prendre des objets de loin. Et quand tu donnes un petit coup en arrière avec ta main, et ben tu peux récupérer ton objet à la volée. C'est ultra. Ça apporte beaucoup dans l'action en fait pendant les combats. Surtout c'est dynamique. C'est très dynamique, surtout dans les moments un petit peu plus claustro et t'en as un paquet. Parce que bon, après, c'est un coup. Ouais, il a l'air très axé sur le jumpscare quand même. Ça a l'air un peu assez horrifique. Enfin, j'ai pas souvenir d'un Half-Life comme ça. Après, je suis pas pro de la licence, mais. Jumpscare. J'irai pas sur le jumpscare, mais en tout cas, oui, il essaie de te surprendre assez régulièrement. Mais si Half-Life 2 était aussi vachement de ce côté-là, Half-Life 1 moins, parce que bah, du coup, vu que c'était forcément moins détaillé, c'était moins efficace. Mais dans le Half-Life 2, t'avais aussi des crabes de tête qui te sautaient à la gueule, qui pouvaient te surprendre ou qui tombaient des faux plafonds, etc. T'as à peu près le même genre de mise en scène dans Alix. Sauf que la grosse différence, c'est que c'est en VR. Et donc des fois, accroche-toi, c'est que t'as 2-3 zombies dans une salle complètement sans lumière, avec juste ta lampe torche et avec ton petit flingue ou ton petit fusil à pompe, et bah, je peux te dire que tu fais pas le malin. Donc c'est de ce côté-là. En tout cas, le côté horrifique pesant, c'est vachement bien. Ouais, parce qu'en plus, t'es très court en munitions, visiblement. Moi, je joue en normal pour le moment. J'ai pas trouvé qu'on était trop court en munitions là. Depuis cet après-midi, malheureusement, j'arrive pas trop à y jouer quand je veux, parce qu'avec le petit 4 ans derrière, papa, qu'est-ce que tu fais ? Papa, tu fais quoi, monsieur ? Bah, je lui tire une. Comment ça, mais il est pas à l'école ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, il est pas à l'école en ce moment. Quand on a fini les cours, j'essaie de me faire un petit peu une partie d'Half-Life, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, du coup, oui, pour dire que je viens juste d'arriver depuis une ou deux heures sur les premiers ennemis du cartel. Où là, franchement, c'est des sacs à PV. Hein. C'est qu'ils demandent un paquet de bastos pour pouvoir être descendu. Donc je pense que les munitions vont finir par pas mal tomber. Faut jouer avec la physique, faut jouer avec les éléments que t'as, les bidons explosifs que tu peux balancer dans les jambes des ennemis et tirer dedans pour faire une grosse explosion et les faire bien exploser. Tu dois jouer avec tout ça. Ouais, c'est tout le kiff en fait que t'avais dans Half-Life 2, mais optimisé pour la VR. C'est ultra efficace. Et là, j'ai vu une news comme quoi il y avait des gars, des bidouilleurs sur PC qui voulaient le rendre plat. Franchement, ouais, il y a un des développeurs qui a dit que ça l'intéressait de voir des modeurs. J'ai vu ça. Bah, je crois que ça a commencé. Et d'ailleurs, c'est directement dans le code du jeu. Apparemment, t'as un mode de dev en fait qui te permettait d'y jouer en plat. Après, ça a vraiment enlevé de l'intérêt du jeu. Je ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est vraiment une bonne pub? Parce que s'il y a des petits malins qui le font en flat parce qu'ils n'ont pas de casque VR et qui disent bon, bah, le jeu il est nul, franchement, on en a fait tout un pataquès et tout, ça peut aussi un peu ruiner la com. Il y a déjà eu des rageux d'ailleurs qui ont dit que ça n'allait pas du tout. Il y avait des mauvais com aussi au départ sur les forums. Hein. Mmh. Ouais, mais je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est sûr que, enfin, je suis quasiment intimement persuadé que ça ne fonctionnera pas en plat de toute façon. Et non, si les joueurs PC, parce qu'on sait aussi qu'il y en a beaucoup qui aiment bien torcher les jeux, les speedrun, etc., qui veulent faire Alpha Felix en bunny humping, je crois, c'est l'espèce d'astuce pour aller encore plus vite dans le jeu, tu vois, tu le rush, ça a aucun intérêt, quoi. Donc non, c'est un jeu vraiment qui se vit comme tous les jeux VR et en plus dans l'univers d'Half-Life. Je comprends que ce soit très frustrant de ne pas pouvoir tester quand t'as pas de casque, mais non, franchement... Ah oui, je te confirme. Désolé. Et donc Valve, ils ont vraiment tapé un gros coup. Le jeu est magnifique, il est ultra jouable, ultra immersif. Même avec mes contrôleurs WMR, c'est pensé au poil de cul, mais ça, toi c'est un détail, t'as un petit bouton au-dessus sur le WMR que normalement tu utilises pour les options dans tous les autres jeux. Là en fait ça te permet, quand tu recharges ton arme, donc tu prends ton chargeur dans ton dos, tu le mets dans ton arme et ça te permet en fait ce petit bouton d'enclencher en fait le chien, d'enclencher la balle dans le canon, et rien que ça, tu vois, mais ça, ça fait comme si t'appuyais vraiment physiquement sur le flingue que tu vois devant toi. Tout est pensé comme ça pour que ce soit complètement transparent. Il y a aussi 2-3 trucs qui sont moins immersifs. Enfin, genre quand tu passes à travers une fenêtre ou j'ai vu qu'il y avait beaucoup de temps de chargement aussi. Ça quand même. Je sais pas si c'est ton cas, mais ils ont l'air d'être quand même assez longs. Ça casse un peu le rythme. Alors les temps de chargement, c'est entre chaque portion de chapitre. Dans un chapitre, ça va te faire 4-5 portions à peu près, et à chaque fois, par exemple, dès que tu vois un trou. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu old school, quoi. Tu vois un trou où tu dois sauter de 1m50. Ouais, c'est vrai que ça fait penser à ça, ouais. L'image qui se frise et le temps de chargement à l'ancienne, ouais, c'est vrai. Voilà, donc là, ça se frise. Et là, mais après, dans le casque, tu vois pas dans la capture, parce que dans la capture, ça, tu vois un temps de chargement. Ouais. Dans le casque, en fait, tu vois la carte globale de Cité 17 qui se découvre au fur et à mesure. Donc, tu peux quand même regarder un petit peu, voilà, te repérer, savoir comment tu as avancé, où est-ce que tu vas, etc. Ah ça ouais, ça tu vois, c'est intéressant comme info, parce que nous, justement, on n'a pas ça. T'as juste un sablier, en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais, donc il y a quand même une phase de gameplay aussi dans ces temps de chargement. Donc ils ont pensé à ça aussi quand même. C'est pas vraiment du gameplay, c'est juste que voilà. Non, je sais, mais je veux dire, il y a quand même une phase qui sert le gameplay, pardon. Dans ce temps de chargement. T'as pas juste un sablier qui tourne en face de toi en mode bug. Non, c'est voilà. Okay. Donc voilà quoi dire sur Half-Life encore. C'est que c'est très très bien et que j'espère pour vous qu'il sortira sur PS5. J'espère aussi. Voilà, il y a plus qu'à croiser les doigts. Oh, donc, techniquement, ça devrait être possible. Moi, j'y crois. Techniquement, oui. Techniquement, oui, complètement. Parce que en plus, ouais, le jeu me dit que. T'es sur quel config, toi? 1060, c'est ça? Justement, non, j'allais y venir. Moi, le jeu, à chaque fois que je le démarre, moi, j'ai mis tout à fond les ballons. Hein. Au niveau des réglages, j'ai fait le bourrin, j'ai tout mis en ultra. Il me dit que ma config est trop fine pour que ça fonctionne et que ça risque d'altérer mon expérience de jeu. Donc ça, à chaque fois, il te le dit. Et je suis sur une 1080 Ti avec un processeur i7... i7, ah oui, quand même. Merde, je vais peut-être te dire une connerie, mais je crois que c'est 3 gigas quad core. Donc voilà. 3 gigas, un i7, ouais, c'est i7, ça. Ouais, mon pros, il a 4-5 ans, si je dis pas de bêtises à peu près. Donc voilà, mais par contre, c'est un run sans aucun problème. J'ai aucun freeze, j'ai pas de clipping, j'ai absolument aucun problème. À mon avis, ils mettent ça vraiment au cas où. Alors je verrai peut-être plus tard, hein, s'il y a trop de monde sur la carte et que ça se met à cracher, mais pour le moment, en tout cas, là où j'en suis à 5-6 heures de jeu à peu près, j'ai vraiment eu aucun souci technique. Par contre, la, Est-ce que tu peux, dans ce qu'on voit au début, là, dans tout ce qu'on a vu en gros sur YouTube, le champ de vision, il a pas l'air d'être hyper éloigné. Il y a une espèce de brouillard ambiant. Est-ce que c'est toujours comme ça, même dans les environnements un peu plus confinés, ou est-ce que c'est pour le game que c'est comme ça? C'est absolument invisible dans le casque. En tout cas, de ce que j'ai pu, de ce que je ressens, c'est. Tu parles de brouillard, tu vois, tu m'apprends un truc, parce que pour moi, il n'y a pas Ben du si, tout de au, dé brouillard. au début, quand tu vois l'espèce de grande citadelle, là, tu sais que tu es sur les toits de la Cité 17, tu as cette espèce de grand truc de colonne, et en fait, au fond, tu vois qu'elle était un peu dans le brouillard, quoi. Donc, pour moi, c'est plus. Enfin, je pense que c'est aussi par souci technique, mais je voulais savoir si tu avais ça tout au long du jeu, ou si c'était juste parce que. Tu avais une vue assez large de la cité 17 et que c'était pour ça que c'était comme ça, quoi. T'as vraiment une vue extrêmement large dans le casque, en tout cas. Même le fov de mon HP, il est pas énorme. C'est pas le meilleur WMR en plus qui existe. Tu vois vraiment très très loin. Et justement, dans la première partie où tu arrives la première fois dans Cité 17, sur le balcon là, tu vois tout d'une netteté. Enfin, c'est Ah, mais parfait, c'est de quoi. cette scène-là que je parle. Oui, bah c'est vraiment parfait justement. Et j'ai l'impression que ce que tu captures sur ton écran d'ordi, c'est pas tout à fait ce que tu vois. Parce que par exemple, tu as aussi le HUD qui apparaît quand tu fais des captures sur ton écran de PC. Ouais, on le voit pas en entier. Alors que quand tu es dans le casque, tu le vois différemment. Tu le vois pas comme ça, tu le vois Ouais. pas sur le côté. Le HUD, tu le vois sur tes poignets en fait, de tes moves. Tu regardes tes poignets et tu vois combien de balles te restent, combien t'as de résine, etc. Donc tu vois, je sais, le rendu est vraiment dégradé Ouais, mais sur encore une l'écran de fois, c'est PC. bon de le. Enfin, tu vois, c'est bien que je pose la question parce que mine de, ça mérite d'être éclairci. Et en fait, c'est beaucoup mieux que ce qu'il y paraît sur. Enfin, ah, pardon, c'est pas beaucoup mieux. C'est encore mieux, pardon, que ce qu'il y paraît Ah non, mais j'ai. sur YouTube quand tu peux voir des captures, quoi. Franchement, c'est vraiment, vraiment dégradé. En jeu, j'ai pas vu. J'ai pas vu un seul défaut, mais vraiment. C'est saisissant. Tu es dans un petit couloir, tu sais, pas très bien éclairé, avec les effets de lumière à droite à gauche. Tu t'approches des murs, mais t'as l'impression qu'ils sont, enfin, que c'est des vrais murs. Tu, en plus, C'est tu sais, pas de la texture plate collée, quoi. ah non, non, non, non. Et Oh. en plus, tu vois, ça a un côté très organique et très craspec, Half-Life, toutes les bestioles, les crabes de tête, les Crabe de zombies, tête. c'est dégueulasse, mais c'est vraiment dégueulasse. Tu les prends, tu vois D'ailleurs, les mention zombies. spéciale, t'as vu le poulet dans le frigo? Ah non. Ah si si, oui, si si, bah oui, j'ai vu vers le frigo, j'ai vu le. Mais C'est c'est pas un pas poulet, vraiment. c'est un crabe de tête cru. C'est pas vraiment. Ben, oui, d'ailleurs, c'est marqué ne pas manger hein, dessus. Je trouvais ça marrant. Oh. au cas où. Oui. Mais ouais, il est vraiment magnifique. Et oui, il n'y a aucune raison qu'il ne tourne pas sur PS5, mais à part problème de licence, problème de droit, problème de. Mais il me Faut faire une semble décision, hein, ouais. les Half-Life enfin le 1 du moins, parce que je crois que le 2 il l'est jamais sorti, mais il est sorti sur PS2. Le 2 est sorti aussi sur des consoles, hein. Le 2 est sorti sur des consoles. Même sur PS3, il me semble, et même sur Xbox. Il me semble que Bon. tous les Half-Life 2 et les épisodes 1 et 2 qui ont suivi, et puis tous les jeux hein, qui vont avec, hein, c'est-à-dire Counter, etc., et ben c'est tout sorti sur console, ça. Donc, à moins que la politique de Valve ait changé, à moins que, je sais pas, ils aient vraiment envie de mettre Half-Life en avant, Half-Life Alyx en avant pour vendre des casques sur PC, sachant que Valve et Steam ont des billes dedans, et des grosses billes, et ben on sait pas. Donc c'est pour ça qu'on ne se prononce pas là-dessus. On va attendre d'avoir des vraies informations là-dessus, plus que l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours qui dit que oui, ou peut-être que non. Donc on a juste à espérer pour le moment. C'est Bon. jouable et on l'espère, quoi. La porte, C'est technique. pour l'instant, officiellement, la porte n'est pas fermée, c'est tout ce qu'on sait. Ok. Bon. Johan, t'as dire? Oui, parce que, excuse-moi, en plus, tout à l'heure, je t'ai coupé, ça y est. Mais c'était parce qu'il me semblait que la configuration minimum pour jouer à Half-Life, Alyx, du coup, c'est une 1060 de chez Nvidia. Donc, en soi, c'est quasiment l'équivalent de enfin, une 1060 côté Nvidia et une 580 du côté de chez AMD. Et 580, c'est grosso modo l'équivalent de ce qu'on a dans une PS4 Pro, en fait. D'accord. Avec un Core i7 aussi en parallèle, et combien c'est 16 gigas de RAM, je crois. Non, c'est 8. C'est 8 en configuration minimale. Non, mais après, je dis pas que ça tombera sur PS4 Pro. La seule chose que je veux dire, je pense que si une One X, PS4 Pro Plus, il y a pas de version Microsoft, mais sur One X, la console, je pense qu'elle pourrait l'assumer sans problème, en fait. Ah, c'est intéressant. Voilà. Mais ne serait-ce qu'à cause de sa RAM. Parce qu'elle a 12 gigas de RAM avec une bande passante quand même assez... Grâce à tous ces teraflops de One X. Bon, ça c'est... Bref. Non, mais je pense que ça pourrait être amené à fonctionner, quoi. Donc sur Next Gen... C'est dommage, il n'y a pas de VR chez Microsoft, c'est dommage. C'est ça, ouais, tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas assez gagné. Voilà. Je veux des dollars. Non, mais c'est vrai. C'est ça que le public. D'un point de vue juste. Pardon, vas-y, excuse-moi. D'un point de vue juste. Non, t'inquiète, mais d'un point de vue juste tech, je veux dire, aujourd'hui, les consoles mid-gen sont pas si loin ou pourraient assumer de faire tourner le jeu en low, hein, oui, mais ils pourraient tourner, quoi. Voilà. Après, bon, au vu de la next-gen qui arrive, et puis certainement, peut-être, on l'espère, d'un PSVR 2, ça serait en effet plus pertinent qu'ils sortent sur ce genre de matos. Et bah justement, je pense que la transition est toute trouvée. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur tout le bien que j'avais à dire sur Half-Life Alyx. On va passer. Je voulais juste rajouter un petit mot vite fait, si on peut. Il y a aujourd'hui, il y a un autre jeu aussi qui est sorti aujourd'hui, donc le 26 sur le PSVR. Ah, tu veux vraiment pas qu'on passe à la suite alors? Ah, si, mais bon, on va parler de l'actu VR quand même. Allez, vas-y, bonus. Cyril en a fait la preview aujourd'hui, c'est Eutech Cybernetic. Donc c'est sorti sur le store au prix de 20€, c'est X-Real Games qui le développe, et c'est un wave shooter, donc c'est un jeu qui a fait 3 ans d'early access, si je dis pas de bêtises, sur PC, donc une mécanique de jeu assez à l'ancienne, c'est inspiré un peu pour moi de Rodata et un peu de Doom également. Uniquement avec des armes, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait d'armes au corps à corps. Bon, je l'ai pas fini, je l'ai essayé tout à l'heure. C'est pas très beau, il y a pas mal d'aliasing. Et le gameplay au move est assez. Pour l'instant, pour moi, assez peu intuitif. Après, j'y ai pas suffisamment joué. Avec quelques jumpscares, donc voilà. C'est sorti aujourd'hui, c'est. Si vous aimez les waves, que vous en avez pas marre, je pense que vous pouvez y aller pour 20€, vous ferez pas trop mal, et puis ça a l'air sympa. Après, pour les autres, passez votre chemin, si Rodata et compagnie vous en avez marre, n'y allez pas, mais voilà, c'est sorti aujourd'hui du coup. Ok, c'est un test ou c'est une preview qu'il y a sur le site? C'est une preview. C'est une preview. D'accord, ok. Et donc bah, le site, donc le test sur le site bientôt. Quoi qu'il en soit. Voilà. Ça marche. Allez, on va passer à la next gen. Ah non, je voulais dire aussi. Tu m'emmerdes, toi. Ouais, je vais passer chez toi, te foutre un coup de pied au cul. Hein, et confinement ou pas. Tu peux pas, c'est confiné. Merde. Bon, on va passer à la next gen. Avant de commencer, j'aimerais juste insister sur un petit point.